fini les examens? Besoin de lâcher prise? On a ce qu'il te faut. Le Totem, Timber, Aqualibi et Mystique. Pour fêter l'été, Walibi propose à tous les étudiants un Crazy Pack All Inclusive. Les attractions et ton déjeuner à partir de 22,50€ seulement. Détails, conditions et offres disponibles en caisse du parc et sur walibi.fr. Walibi, à chacun son. Wow. France Inter. À portée de voix. À la maison, en voiture ou sur votre téléphone, France Inter arrive sur les assistants vocaux. Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles. Oli et ses histoires pour les enfants. Vos émissions en direct. Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix. Toutes les infos sur franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un fait divers oublié et qui pourtant a joué un rôle déterminant pour la légalisation de la contraception. Le 4 juin 1954, Ginette et Claude Bach, un couple d'ouvriers habitant de Saint-Ouen en banlieue parisienne, est condamné à 7 ans de prison pour avoir laissé mourir, faute de soins, leur quatrième enfant, Daniel. Cette affaire de parents indignes, comme les surnomme la presse à l'époque, est loin d'être exceptionnelle. La loi française interdit alors la contraception, et il est courant de voir les femmes enchaîner les grossesses sans pour autant avoir les moyens de s'occuper des enfants. Le nombre des avortements clandestins explose, et les drames comme celui des époux Bach sont légion. En tout cas, l'affaire en question attire l'attention d'une gynécologue, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, qui voit là le support idéal pour lancer nos croisades visant à autoriser la planification des naissances, ce qui revient in fine à légaliser la contraception, processus qui aboutira en décembre 67 à la loi Neuwirth. Notre invitée aujourd'hui, Danielle Von Mann, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure avec Annette Vivorca de l'ouvrage « Triste grossesse, l'affaire des époux Bach » paru au Seuil en janvier dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il faut faire confiance aux femmes. Il faut qu'elles soient maîtresses de l'évolution de leur foyer. Il faut qu'elles puissent décider en confiance avec leur mari de ce qui convient ou de ce qui ne convient pas. Parce que, imaginez la jeune fille ou la jeune femme de 20 ans, et voilà que dans les pires conditions de logement ou de travail, les enfants arrivent. 10 ans plus tard, les problèmes physiologiques, moraux, sentimentaux qui se posent. Je dis qu'il faut faire confiance aux femmes, parce que c'est le problème même qui concerne la dignité de l'être humain. Alors, je l'ai dit sans embâge, il faudra abroger les articles de la loi de 1920 qui les frappent et décider que notre société fera place aux femmes sur le plan de leur épanouissement complet, autant qu'aux hommes. Ces mots sont ceux de François Mitterrand, alors candidat de gauche à l'élection présidentielle de 1965. Lorsqu'il s'exprime dans le cadre de la campagne officielle sur les plateaux de l'ORTF, un vif débat secoue l'opinion publique depuis déjà 10 ans. Faut-il, oui ou non, permettre le contrôle et la planification des naissances? François Mitterrand est alors très prudent quant aux termes qu'il utilise. Il ne parle pas formellement de contraception, car sa pratique et sa publicité sont interdites par la loi du 31 juillet 1920. Voté au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui vit périr 1,5 million de Français, ce texte répond à la saignée démographique qu'affronte la France. La contraception y est donc réprimée et assimilée à l'avortement, déjà lourdement puni par l'article 317 du Code pénal. Considéré comme un crime, il est passible de la cour d'assises. Une femme qui avorte risque ainsi entre 5 et 10 ans de prison. Celle qui utilise un médicament contraceptif de 6 mois à 3 ans de réclusion. Le régime de Vichy durcit cet arsenal. Travail, famille, patrie. En 1942, l'avortement devient ainsi un crime d'État. Un an plus tard, une faiseuse d'ange, une avorteuse et même guillotinée pour l'exemple. Au milieu des années 50, certains médecins avancent le chiffre de 300 000 femmes qui avorteraient chaque année. Difficile bien sûr d'avoir une estimation précise, puisque l'acte est interdit. Nombre d'avortements restent dans le secret des chambres, cuisines, salles de bain et autres salles d'opération improvisées. Quelle autre solution reste-t-il aux femmes qui ne veulent pas d'enfants de toute manière? L'abstinence, l'adoption et, ah oui, la fameuse méthode Ogino. Élaborée par un médecin japonais du même nom, celle-ci consiste à calculer les jours à risque du cycle menstruel et à bien veiller de s'abstenir de tout rapport à ces dates. Le bon point, c'est que cette pratique est tolérée et admise par le pape Pie XII en 1951. Le mauvais, c'est qu'elle n'est absolument pas fiable, comme vous allez l'entendre dans ce témoignage de 1961 dans l'émission 5 colonnes à la une. Le psychiatre m'avait dit qu'il n'y avait absolument plus d'enfants. Alors évidemment, sans me donner des conseils, plus d'enfants, c'était pour moi, surtout qui suis catholique, la méthode Ogino, bien sûr. Seulement, ça m'avait déjà valu le 4e, le 5e, le 6e. Si bien que j'ai dû tout de même suivre d'autres méthodes. Cette femme est donc mère de 6 enfants, bien malgré elle. Faute d'accès à des moyens de contraception efficaces, cette situation est très commune à l'époque. Et il faudra un fait divers retentissant et une campagne médiatique savamment orchestrée pour enfin faire évoluer les mentalités et la législation. Le 3 avril 1948, à Saint-Ouen, à la mairie, deux familles endimanchées sont réunies pour célébrer des noces. Les deux jeunes mariés s'appellent Ginette Herbert et Claude Bach, tous deux âgés de 19 ans. Le jeune couple s'est rencontré quelques mois plus tôt et attend déjà ce qu'il est convenu d'appeler un heureux événement. Il était donc urgent de passer devant monsieur le maire avant que l'heureux événement ne pointe son nez. Claude Bach est ouvrier dans l'entreprise de maçonnerie Honoré et Villanova. Ginette Herbert épouse Bach, donc, est employée dans une pharmacie de Saint-Ouen. La jeune femme a la santé fragile. Elle est née avec un handicap. Son bras droit paralysé et sa main déformée, séquelles d'une naissance compliquée et de l'utilisation d'un forceps. Élevée par sa grand-mère, Ginette Bach vit toujours dans son appartement au 1 rue de la Gaîté à Saint-Ouen lorsqu'elle s'unit à Claude. Sa grand-mère ayant été hospitalisée, c'est là que le couple s'installe après le mariage. Ce logement ouvrier de la banlieue rouge au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de 3 étages est plutôt confortable. Une salle à manger, une chambre et une 3e pièce, petite mais susceptible d'être transformée en chambrette, une cuisine avec l'eau courante et même des toilettes. Le tout pour un peu plus de 1600 francs par mois, charges comprises. Le salaire moyen d'un ouvrier à l'époque étant de 2500 francs pour un homme et d'un peu plus de 1700 pour une femme, la formule est viable. Mais très vite, le couple va devoir se contenter d'un seul salaire. Au cours de l'été, en effet, Ginette est de plus en plus diminuée par sa grossesse. Elle est apathique, ralentie. Alors, elle perd son emploi et se retrouve femme au foyer, un domaine dans lequel elle n'excelle pas. Sa grand-mère, en effet, couvant sa petite fille qu'elle considère comme handicapée, lui épargne pendant toute son enfance tâches ménagères et corvées. Le 23 septembre 1948, à l'hôpital Bichat, dans le 18e arrondissement de Paris, naît Christian, un beau bébé bien portant. Un peu plus d'un an plus tard, Jacques, un deuxième fils, arrive. Pour ses deux premiers enfants, la jeune mère est suivie par une toute nouvelle institution, le Centre de protection maternelle et infantile de Saint-Ouen, la fierté du maire communiste de la ville ouvrière. Ces PMI ont été institués par l'ordonnance du 2 novembre 1945, comme l'illustre ce reportage diffusé le 25 novembre 1952 sur le RTF. Ce matin à 10h à Drancy, rue Georges Ducert, et à 11h30 à Aubervilliers, rue du Buisson, l'administration de l'assistance publique inaugure 2 centres de plus de protection maternelle et infantile. Chacun de ces centres comporte une consultation pré- et post-natale pour les mères, une consultation pour les nourrissons, une goutte de lait et une crèche. Les enfants et les mamans ne sont pas soignés sur place, mais surveillés, orientés le cas échéant vers le médecin traitant ou l'hôpital. Le centre de protection maternelle et infantile n'est pas, ne l'oubliez pas, un établissement de cure, c'est avant tout un centre de dépistage. Et comme tel, son importance pour la santé de la femme et de l'enfant est considérable. Jusque-là, Ginette Bach semble embrasser son rôle de mère avec sérieux. Il faut dire aussi que le suivi à la PMI permet au couple d'empocher une allocation prénatale. Mais la vie de la jeune maman se complique lorsque s'annonce un troisième enfant, à l'automne 1950. Cette grossesse-là ne se passe pas aussi bien que les deux premières. Pendant 6 mois, Ginette a envie de dormir et s'assoupit en permanence. Tout la dégoûte, elle reste cloîtrée chez elle, amorphe. Les tâches du quotidien, préparer les repas de ses fils, faire le ménage et la lessive lui paraissent insurmontables. Le 12 mai 1951, Ginette Bach accouche d'une petite fille baptisée Solange. Les Bach occupent désormais à 5 le 2-3 pièces qui paraît de plus en plus exiguë. Jacques et Christian dorment dans le même lit et Solange dans un berceau pliant installé dans la chambre des parents. La troisième pièce s'encombre petit à petit de linge et de couches sales. Pour rappel, il faudra encore attendre 20 ans pour que les premières culottes jetables de la marque Peau Douce remplacent les langes lavables. Ginette ne parvient plus à tenir l'appartement qui est de plus en plus sale. Plus inquiétant encore, le nouveau-né Solange semble négligé. Les parents de Claude, Jules et Léonie Bach, sont les premiers à s'en alarmer. À la chandeleur de l'année 1952, ils trouvent l'enfant frêle, très frêle, et le visage triste. Alors, ni une ni deux, les grands-parents secouent les puces de leur fils et de sa femme, qui promettent de faire des efforts et acceptent que Solange passe quelque temps chez eux. Ginette Bach a seulement 22 ans et déjà 3 enfants à nourrir, laver, chérir. Une responsabilité qui l'écrase de plus en plus. Et elle ne peut compter sur l'aide de son mari, Claude, car pour subvenir aux besoins de la famille, il multiplie les heures supplémentaires. Les époux Bach sont des gens de peu qui ressemblent à tant d'autres familles françaises. En 1960, l'émission Faire Face consacre un numéro spécial à la thématique du contrôle des naissances. Le journaliste Étienne Laloux y rencontre des femmes dont la réalité rappelle celle de Ginette Bach. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, madame ? Depuis 10 ans. Est-ce que vous travaillez ? Non. Votre mari travaille ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est employé de bureau. Et combien est-ce qu'il gagne à peu près par mois ? Dans les 42 000 francs, net. Vous avez beaucoup d'enfants ? J'ai 5 enfants. Quel âge ont-ils ? 9 ans, 8 ans, 6 ans, 2 ans et demi et 6 mois. Est-ce que vous êtes logé suffisamment pour tous ces enfants ? Non, nous sommes très mal logés. Vous devez trouver que c'est trop, 5 enfants. Oui. Je suppose que vous ne voulez pas d'un 6e enfant non plus. Non, ce serait une catastrophe. Et pour ce qui concerne Ginette Bach, la catastrophe se produit lorsqu'un 4e enfant est annoncé quelques mois seulement après la naissance de Solange. Et là, elle sombre dans la dépression. Claude, de son côté, le moins souvent possible à la maison. Trop de crasse, trop de cris, il trouve du réconfort ailleurs. Oui, dans les bras d'une autre. Spirale infernale. Léonie, la belle-mère de Ginette, apporte bien son aide. Elle la soulage un peu. Elle reprend Solange chez elle pour un temps et propose de prendre en charge sa belle-fille à sa sortie de la maternité. Elle sermonne aussi son fils et lui intime l'ordre de mettre fin à sa relation extra-conjugale. Il n'empêche, la naissance de Daniel, 4e enfant, le 3 juillet 1952, s'annonce sous de bien sombres auspices. La petite fille souffre d'un problème moteur du bras droit, le même handicap que sa mère, sans doute dû à un problème obstétrical. Mais le dommage est encore plus sévère, car sa main est tournée vers l'intérieur. Une enfant non voulue et handicapée, c'est presque une double peine pour Ginette. D'ailleurs, que pouvait-il sortir de bon de cette situation ? Grâce à l'aide de Léonie, la mère de Claude, les premières semaines après l'accouchement se passent sans encombre. Le retour de Ginette et Daniel à la maison, à la fin du mois de juillet, se déroule dans un climat plus serein. Claude, qui s'est repris, a nettoyé l'appartement. Les trois aînés semblent être en bonne santé et bien traités. C'est en tout cas ce que constate une assistante sociale qui rend visite au bac à la fin du mois de juillet. Mais à l'automne, les choses se compliquent. Claude est toujours absent, occupé à gagner de quoi nourrir sa famille. Ginette croule sous les tâches, laver les enfants, les habiller, les nourrir, ranger, nettoyer, recommencer encore et encore. Ginette n'y arrive pas. Lasse de laver les couches sales, elle les entasse sous son lit et s'offre des linges neufs régulièrement, enregistrant au passage des dettes à droite, à gauche. En janvier 1953, à 25 ans, la voici à la tête d'une fratrie de 4 et 5 ans et 18 et 6 mois. Et comme si cela ne suffisait pas, le drame se reproduit inexorablement. Ginette est enceinte, encore, mais oui. Alors la jeune femme perd pied. Les jours passant, elle délaisse sa dernière née. Daniel n'a le droit qu'à 3 biberons de 200 grammes par jour. Elle est rarement changée, jamais lavée. Sa peau macère dans des couches sales. L'enfant est de plus en plus décharné. Elle ne pleure jamais. En février, quand elle prend conscience de l'inacceptable maigreur de sa fille, Ginette augmente le nombre de biberons et ajoute du sucre et même de la bouillie. Léonie, la mère de Claude, tente bien d'alerter les services sociaux, mais l'assistante sociale qu'elle rencontre ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation. D'ailleurs, il est trop tard. Le sort de la petite Danielle est joué. Le 24 février, le pire se produit. Voici ce que déclare Ginette Bach au policier. Vers 10h30, j'ai voulu lui donner un autre biberon. Elle était morte. Elle s'était éteinte sans bouger. Un filet de lait caillé sortait de sa bouche. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Affaire sensible, Fabrice Drouel. C'est vous qui, lors de vos constatations, m'avez montré l'horreur de l'état de mon enfant, car je l'examinais alors de près et nu. J'ai songé aux visions de corps des déportés. Il aura donc fallu que sa fille meure pour que Claude Bach prenne conscience de l'horreur de la situation. Cet aveu honteux que vous venez d'entendre est extrait d'une confrontation avec le commissaire Georges d'Auvergne, chargé d'enquête. C'est Léonie, la belle-mère de Ginette, qui l'a envoyé, convaincue que sa petite-fille a été victime de la négligence de ses parents. Il est le premier sur place. Le corps de Daniel est déjà froid et raide, d'une maigreur extrême. Le rapport du légiste, qui tombe quelques jours plus tard, est édifiant. L'enfant n'a plus que la peau sur les os, son épiderme s'est abîmé et desséché. Il n'y a toutefois nulle trace de coup porté. Non, Ginette et Claude sont arrêtés chez eux pour être entendus, puis incarcérés, madame à la prison de la Petite Roquette, monsieur à la maison d'arrêt de Fresnes. Mais alors que se noue le drame des époux Bach, un mouvement presque imperceptible s'enclenche. La revue médicale La Semaine des Hôpitaux publie un article titré « Le contrôle des naissances à l'étranger et la loi française de 1920 ». Rien que le titre de la publication est une provocation pour l'époque. Il est signé d'une femme gynécologue, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais. Épouse d'un gynécologue renommé, Benjamin Veil-Allais, elle s'intéresse de près à la contraception. Un intérêt qui prend sa source pendant ses études de médecine. Il se trouve qu'à l'hôpital, elle assiste impuissante à l'écurtage barbare de femmes avortées, des souffrances infligées par des médecins, car ceux-ci estiment que cela doit leur servir de leçon. Puis en 1946, elle visite aux États-Unis le Planned Parenthood, autrement dit le planning familial de la 16e avenue où l'on prodigue des conseils pour le birth control, le contrôle des naissances. Elle repart animée d'une conviction. La France est terriblement en retard et doit ouvrir ce droit aux familles. D'ailleurs, elle dénonce une hypocrisie dans son article. Tous les médecins, et particulièrement les obstétriciens et les gynécologues, savent que le contrôle des naissances est pratiqué dans toutes les familles, quelle que soit leur classe sociale ou leur appartenance religieuse. Pour l'accès aux méthodes contraceptives, illégales donc, riches et pauvres ne sont pas égaux, souligne Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais. Les moins fortunés en sont rendus à pratiquer des avortements clandestins, au péril de leur vie, avant de subir les brimades des médecins dans les hôpitaux. Mais ce plaidoyer en faveur du planning familial est un coup d'épée dans l'eau. Il ne suscite aucune réaction. Pour interpeller l'opinion publique, il faudrait s'appuyer sur une histoire. Tragique sans doute, mais capable d'émouvoir, surtout et à laquelle les gens peuvent s'identifier. Le drame des époux Bach se présente à point nommé. Marie-Andrée Lagroix en prend connaissance dans les journaux qui évoquent le procès. Celui-ci démarre le 4 juin 1954 devant la cour d'assises de la Seine. Les juges d'instruction n'ont pas retenu l'infanticide contre les Bach, mais l'homicide involontaire. Les deux médecins chargés de l'expertise de Ginette ont rendu des rapports plutôt indulgents. Quant aux auditions avec le juge d'instruction, elle laisse apparaître une coupable négligence de Claude, le père de Daniel, et un manque de considération pour sa femme, Ginette, qu'il tient pour seule responsable de ses grossesses, car c'est bien connu. Pas besoin d'être deux pour faire un enfant, n'est-ce pas ? C'est qu'elle était enceinte facilement, mais aussi parce qu'elle ne prenait jamais aucune précaution. De mon côté, je ne désirais pas avoir encore des enfants, mais je ne prenais pas les précautions suffisantes à en juger le résultat. Une attitude qui lui vaut quelques admonestations de la part du juge d'instruction, comme on peut l'entendre dans ce procès verbal d'audition du 29 octobre 1953. Vous ne semblez pas avoir songé, en rendant Ginette mère d'une famille si nombreuse, à la tâche psychique et morale que vous imposiez à une jeune femme de 22 ans. Elle n'était pas apte à y faire face, et vous vous en étiez rendu compte dès avant la 4e grossesse. Votre responsabilité morale commence là. Nous allons voir comment vous l'avez aggravée au point de mériter votre inculpation. Au terme de 2 jours de procès, Ginette et Claude Bach sont condamnés à 7 ans de prison chacun pour privation de soins et d'aliments à enfants ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Claude est déchu de sa puissance paternelle. Le couple est également sommé de payer 36 807 francs de frais de justice et 2 800 de frais de poste. Mais les deux avocats du couple se pourvoient en cassation et obtiennent la tenue d'un second procès. Et c'est à ce moment-là que Marie-Andrée Lagroix contacte l'avocate de Ginette Bach et lui propose son soutien. Dès le 5 mars 1955, elle prend sa défense au cours d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Pour condamner Ginette Bach, il a fallu fermer les yeux sur sa condition lamentable. Mariée à 18 ans, mère à 19 ans, deux enfants avant 20 ans, la malheureuse a dû faire face dès le début de son union à un choix impossible. Ou se refuser à son mari et s'exposer au délaissement, ou répondre à son désir et se résigner à des grossesses rapprochées. Durant 4 ans, elle a vécu dans l'obsession de la maternité. Un enfant par an. À la 3e grossesse, son mari l'a menacée d'abandon. Elle a perdu tout espoir et s'est laissée sombrer. L'affaire des époux Bach permet à Marie-Andrée Lagroix-Vaillalet de développer un argumentaire efficace. Elle plaide en effet pour une légalisation du contrôle des naissances dans le but de protéger les enfants. Et cette fois, le texte ne sombre pas dans l'oubli. La gynécologue bénéficie du soutien de l'historien Gabriel Monod, de Georges Duhamel, médecin et écrivain, et du pasteur Buckner, une autorité morale. Quelques semaines plus tôt, Marie-Andrée Lagroix-Vaillalet s'était rapprochée d'Odile Flory, avocate de Ginette Bach. Bien décidée à utiliser cette affaire comme tribune, elle est citée comme témoin spontané lors du deuxième procès, qui se tient le 7 juillet 1955 devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles. Cette nouvelle audience attire un peu plus l'attention de la presse. Est-ce dû à la présence de la gynécologue, à un intérêt croissant de l'opinion publique pour la contraception? Probablement un peu les deux. Quoi qu'il en soit, son intervention est déterminante. Au cours de sa déposition, la médecin ne montre pas de sympathie particulière pour le couple Bach, mais elle fait état des troubles causés par des grossesses nombreuses et rapprochées. Elle déroule peu ou prou devant la justice le vibrant plaidoyer développé 4 mois plus tôt devant l'Académie des sciences morales. Et le jury semble y être sensible. La peine des époux Bach est réduite à 2 ans de prison ferme. Claude et Ginette sont donc libérés. Ils quittent les pages faits divers des journaux pour reprendre petit à petit une vie de famille. Et pour Marie-Andrée Lagroix-Vaillalet, le combat n'est pas terminé. Malgré plusieurs offensives au cours de congrès professionnels, le corps médical reste frileux et peine à s'engager pour le contrôle de naissance. Eh bien, qu'à ça ne tienne, puisqu'il le faut, elle passera par l'opinion publique. Et elle peut compter sur un journaliste de Libération, Jacques de Rogy. C'est son mari, Benjamin Vaillalet, qui a eu l'idée de solliciter cette grande plume. Le grand reporter est convaincu de la nécessité de légaliser la contraception. Du 15 au 26 octobre 1955, Libération frappe un grand coup et publie sa grande enquête titrée « Les femmes sont-elles coupables ?». Un titre fort et volontairement provocateur, tout comme le texte qui dit « Bousculant les tabous et les interdits », c'est le thème du débat qu'ouvre Libération en publiant à partir de lundi une grande enquête de Jacques Desrogis. Extrait. C'est un sujet assez épineux que Libération aborde aujourd'hui. Disons-le franchement, nous savons que nous allons heurter certaines convictions et froisser certaines pudeurs. Nous avons pesé nos risques et nous avons conclu néanmoins que nous n'avions pas le droit de nous dérober. Car l'avortement a pris en France, depuis déjà de nombreuses années, les proportions d'un véritable fléau. Une brèche est ainsi ouverte publiquement dans le mur du silence qui entourait un sujet considéré comme tabou. À la lecture de nos articles, on sera convaincu que Libération a eu raison de faire l'enquête courageuse qu'aucun quotidien français n'a encore osé publier. L'enquête démarre par un reportage dans un service de curetage d'un hôpital parisien. Des femmes y livrent des témoignages déchirants. Inégalité sociale, loi, position de l'Église, mise en œuvre du birth control à l'étranger, toutes les facettes du problème sont abordées. Et ça fonctionne, oui, un tabou est levé. Le journal Libération roule sous les courriers de femmes et d'hommes qui témoignent de leurs souffrances et de leurs difficultés. Le débat sur le contrôle des naissances essaime et se répand aux autres titres de la presse. Ainsi, le 10 novembre, France Observateur, l'ancêtre du Nouvel Obs, publie un article intitulé « 600 000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances ?» Marie-André Lagroix-Veillalet prend bien sûr une large part à cette campagne de presse. C'est ainsi qu'elle est repérée, contactée par une mère de famille de 4 enfants, Evelyne Sulereau, 30 ans. Dans une missive qu'elle adresse à la gynécologue, elle lui suggère de monter une association de femmes qui porterait leurs intérêts et l'idée de planification familiale. Séduite par l'idée, Marie-André Lagroix-Veillalet demande à rencontrer Evelyne Sulereau. Les deux femmes créent alors l'association Maternité Heureuse. C'est Evelyne Sulereau qui en dépose les statuts le 8 mars 1956. Les deux femmes sont rejointes par d'autres, hommes et femmes, médecins, psychiatres, gynécologues ou encore assistantes sociales et mères de famille. Le mouvement compte pour la contraception s'organise. Bien sûr, les deux femmes et leur association se heurtent à la levée de boucliers de l'Église catholique. Mais elles se découvrent également un ennemi inattendu, le Parti communiste français. Oui, résolument nataliste, le PC s'oppose farouchement au contrôle des naissances. Le 2 mai 1956, Maurice Thorez dénonce dans l'Humanité le malthusianisme réactionnaire, je le cite bien sûr. Deux jours plus tard, c'est au tour de Jeannette Vermeersch de lancer une nouvelle offensive en réunion groupe à l'Assemblée nationale. Mais depuis quand les femmes prolétaires luttent pour les mêmes droits que les dames de la bourgeoisie? Depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie? Jamais. Seules les femmes savent, dans leur âme et conscience, le drame moral effrayant de l'avortement chez un être jeune, pur, obligé de raisonner par rapport à l'enfant, comme par rapport à un jeune lapin. Cette opposition des communistes, très puissants à l'époque, empêche toutes les tentatives d'abolition de la loi de 1920. Malgré tout, et n'y tenant plus, des médecins de l'association Maternité Heureuse ouvrent de premières consultations de planning familial à Grenoble en juin 1961. Et qu'importe les risques. Bon, comment ça se passe quand vous recevez des... Comment les appelle-t-on, les clients? Des consultants. Des consultants. Ils entrent dans une salle d'attente beaucoup trop petite. Et ils voient qu'ils sont très nombreux. Moi, je suis dans un bureau, à côté, et je fais entrer les couples, les uns après les autres. Vous dites des couples, c'est pas plutôt des femmes qui viennent non. consulter? Dans l'ensemble, c'était le mari et la femme, qui venaient ensemble. L'un souvent parlant plus que l'autre, mais pas nécessairement la femme. Est-ce qu'en général, ils savent pourquoi ils sont venus? En fait, ça a l'air sûr de dire ça comme ça, mais est-ce qu'ils ont des raisons précises? Ils ont des raisons très précises de venir. Ils veulent planifier leur famille, espacer les naissances. Mais ils savent par la presse que notre centre existe, mais ils ne savent pas exactement par quels moyens nous les dépannerons. Après Grenoble, d'autres consultations ouvrent un peu partout leurs portes en France, au risque et péril des praticiens. Car leurs conseils pour planifier les naissances ne sont pas toujours tout à fait légaux. À Grenoble, par exemple, on procure du spermicide artisanal ou autre contraceptif clandestin provenant de Suisse ou d'Angleterre. Il faudra donc attendre 1967 et la loi Neuwirth pour que la contraception soit légalisée. Plus de 10 longues années se sont alors écoulées depuis le drame des époux Bach et le début du combat de Marie-André Lagroix-Veillalet. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu? Offre-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous? Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du couple Bach. Notre invité Danielle Vollmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez coécrit avec l'historienne Annette Wiewerka l'ouvrage intitulé « Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, 1953-1956 ». D'abord, peut-on dire que cette affaire est la rampe de lancement de la loi de Wirth, ou est-ce que c'est un raccourci? C'est un raccourci. Bon, c'est un raccourci parce que c'est vrai que ça a déclenché, comme on a entendu tout à l'heure dans le documentaire, une campagne de presse grâce à la gynécologue Marie-Andrée Lagroix-Vaillalé. Mais il a fallu quand même attendre 12 ans avant le vote de la loi Neuwirth qui autorisait la contraception. Donc, rampe de lancement, oui. Mais une rampe de lancement assez longue, un peu différente de la rampe de lancement du procès de Bobigny de 1972. Autour de l'avortement. Autour de l'avortement. Là, il n'y a eu que 2 ans. Ouais. Donc la rampe de lancement était plus brève. Et l'affaire a fait grand bruit à l'époque ou non? Non, elle n'a pas fait grand bruit du tout. C'était un fait divers banal, pas si fréquent que ça. Mais quand on lit les journaux François ou Le Parisien de l'époque, tous les jours on parle de parents qui ont abandonné leurs enfants, qui les ont laissés mourir, qui les ont battus. Là, Claude et Ginette Bach ne battaient pas leurs enfants. Non, ça a été reconnu, hein, c'était important. Mais enfin, des familles, des couples, ne parlons pas de femmes seules, parce que des hommes seuls élevant des enfants, il n'y en avait pas beaucoup. C'était fréquent. Les familles avaient trop d'enfants, ou du moins trop d'enfants trop rapprochés. Et donc, c'est un fait divers qui aurait pu se passer dans le silence. On aurait eu un petit reportage, peut-être dans François ou dans Le Parisien, notant qu'il y avait eu un procès, qu'il y avait eu un couple qui avait laissé mourir leur 4e enfant, alors que la mère était enceinte du 5e. Mais ça aurait pu passer comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au premier procès. Il y a eu peu d'écho. Mais comme la gynécologue Marie-André Lagroix-Vaillalet, qui a un nom à rallonge, essayait justement de faire ce lancement d'un mouvement pour légaliser la contraception et donc abolir la loi de 1920 qui l'interdisait, elle était très à l'affût. Comment faire, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme histoire qui servirait à faire bouger l'opinion et surtout à faire bouger les milieux politiques, bien sûr, parce que c'était une question d'abolition de la loi, de changement de la loi. Et donc, elle devait dépouiller les journaux, elle s'est emparée de cette affaire, et donc elle a témoigné au deuxième procès, ce qui a permis la campagne de presse de Dorogy à l'automne suivant, le procès, et donc là, les choses ont bougé. C'était d'ailleurs, pardon de dire ça, mais une bonne histoire, dans la mesure où on avait tous les ingrédients du malheur que connaissaient ces femmes. Et je dis ces femmes parce que ça devrait être aussi une affaire d'hommes. Malheureusement, on l'a vu, hein, le témoignage du papa, c'est, écoutez, en gros, il y a qu'à faire attention, quoi. Voilà. Oui, puis il disait, moi, je faisais un peu attention. Voilà, mais bon, c'est quand même qui est responsable, oui. Quoi. Il dit à un moment, elle était très féconde. Terrible. Donc la solitude des femmes qui ne peuvent pas compter sur la personne sur qu'elles devraient compter en premier, le mari. Quoi. Mais parce que je pense que hommes et femmes étaient totalement démunis par manque d'information, manque d'éducation. Et puis il y avait ça, c'était personnel. Et puis après, même s'ils étaient informés, s'ils étaient éduqués, les moyens contraceptifs n'étaient pas en vente libre, leur propagande était interdite, donc même si on savait comment faire pour se les procurer, ces fameux moyens contraceptifs. J'imagine que l'Église catholique était très très très active pour empêcher toute évolution. Elle était très active et c'est quand même très intéressant parce que on dit que les médecins étaient hypocrites parce qu'ils disaient à leurs patientes non, vous devez pas être enceinte, faites attention, ce qui est vraiment un conseil un peu limité. Alors, l'Église catholique restait sur le principe se marier, c'était pour croître et multiplier. Donc, le mariage, ça devait faire des enfants. Mais comme les hommes catholiques de la hiérarchie n'étaient pas complètement idiots, donc ils ont sauté sur l'occasion de la méthode Augino, qui était soi-disant naturel, parce que il suffisait de savoir à quel moment on n'a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire à quel moment la femme est féconde, et donc à ce moment-là, on s'abstient, et on fait après, comme ça on n'a pas d'enfant. Comme si c'était une science exacte, quoi. Comme si c'était une science exacte, ce que n'était absolument pas. Et surtout que le docteur Ogino, un japonais, en fait, il a mis au point sa méthode pour, parce que, avec des visées natalistes. Donc, l'idée, c'était, quand est-ce qu'on est féconde? Quand est-ce que les femmes sont fécondes? C'est là qu'il faut. C'était l'objectif inverse. Est-ce qu'on sait ce qui se passe pour les enfants BAC pendant que leurs parents sont en prison? Oui, alors ils ont eu de la chance, ces enfants BAC, parce que les grands-parents, maternels et paternels, étaient très présents. Et c'est d'ailleurs la belle-mère de Ginette. Donc, c'était pas la mère de Claude, c'était sa belle-mère parce que son père s'était remarié. Bon, bref, ils ont pris les enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas été confiés aux services sociaux, à la DAS. Ils ont été répartis entre les grands-parents, une tante. Ils ont été relativement préservés parce que leurs parents, un beau matin, sont partis en prison et ils les ont revus que longtemps après. Et on sait ce qu'il est advenu de leur vie? Est-ce que ce sont des valises psychologiques qu'ils ont dû porter ou est-ce que ça s'est bien passé? Alors, pour eux? On ne sait pas. On pourrait savoir. Mais avec Annette Wiewiórka, on n'a pas voulu savoir. On a voulu s'arrêter à cette histoire et à ce sujet. Croiser avec le début du planning familial et d'abord de la maternité heureuse. Mais les enfants, on sait qu'ils existent, ils sont là, et peut-être il y a des gens qui voudraient savoir ce qui se passe. Nous, on a trouvé que c'était suffisant de s'intéresser à ce qui est arrivé à leurs parents. Alors finalement, ce qui fait qu'on parle de cette histoire aujourd'hui, c'est aussi, on le rappelle, parce qu'elle croise le chemin de Marie-André Lagroix-Vaillalet, ou c'est Marie-André Lagroix-Vaillalet qui croise le chemin de cette histoire. Elle est l'initiatrice des plannings familiaux. Qui est-elle? Qui est cette personne? C'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Oh, j'imagine, c'est clair. D'abord, c'est une catholique pratiquante. Et quand elle commence... Elle n'en a que plus de mérite. Elle n'en a que plus de mérite. et encore plus de mérite parce que elle était évidemment contre l'avortement, qu'elle voyait dans sa pratique de gynécologue des femmes qui arrivaient saignantes, qu'il fallait envoyer à l'hôpital, ou bien des femmes qui voulaient lui demander qu'elle avorte, alors là elle les mettait à la porte tout de suite. Donc elle était contre l'avortement, et au début de sa carrière, elle n'avait pas pensé que la contraception, c'était si intéressant que ça. Parce que, je pense, son éducation catholique, sa pratique ne l'avait pas prédisposée à ça. Mais c'est sa profession, son métier de gynécologue, qui l'a fait changer d'avis. Et ça, c'est déjà très intéressant. Je pense que c'est une grande preuve d'intelligence, parce qu'elle a changé d'avis, et pas qu'un peu, c'est vraiment une transformation radicale. Et c'était une personne pour qui la famille, c'était très important. Elle était familialiste, on peut dire. Et donc, pour que les familles soient heureuses, la maternité heureuse, il ne fallait pas qu'il y ait des grossesses trop rapprochées. Et des maternités malheureuses. C'est pour ça qu'on a appelé le livre « Triste grossesse ». Oui, absolument. Mais on va l'écouter. Marie-Andrée Lagroix veille aller. Elle s'exprimait le 12 mai 1965 sur France Inter à l'occasion du 2e congrès annuel du planning familial. L'un des buts seulement de l'association et non pas le seul but. Et d'ailleurs, pour y parvenir, il faut mettre en œuvre un programme beaucoup plus large qui consiste à éduquer la population avant le mariage par des sessions d'information des jeunes, de formation des jeunes couples qui vont se marier, sessions de préparation au mariage. Et ensuite, le planning familial prend les couples en charge lorsqu'ils viennent le consulter pour des problèmes de difficultés conjugales, pour des conflits conjugaux, des difficultés pouvant même être de tous ordres. Le planning familial va aussi bien s'attaquer au problème de la stérilité qu'au problème de la trop grande fécondité d'un couple. Pour nous, c'est le problème de l'équilibre du couple au regard de la procréation. Je crois que dans l'opinion, et chez certains de vos adversaires, on a voulu confondre la contraception avec l'avortement. Or, précisément, l'un des grands ennemis de votre mouvement, c'est l'avortement clandestin. C'est un fléau absolument aussi bien individuel que social et national. Par conséquent, nous luttons contre l'avortement. Ça renvoie exactement, Daniel Vaudemal, à tout ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pourquoi la gynécologue Marie-Andrée Lagroix a refusé que l'établissement planning familial ouvre sous le nom de maternité heureuse? Vous confirmez ou pas? C'est assez compliqué. C'est-à-dire que elle était, comme on vient de le dire, contre l'avortement. Elle était persuadée, ce en quoi elle s'est trompée, que la légalisation de la contraception mettrait fin à l'avortement. Qu'il n'y aurait pas de raté la contraception. Oui. Bon, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas une règle. Et c'est pas une règle, loin de là. Et donc, elle et Evelyne Sullerot et les premiers militantes et militants qui étaient autour d'eux étaient focalisés sur la contraception et l'idée, c'était maternité heureuse. Elle voulait l'appeler d'abord maternité volontaire, et puis là, elle a eu peur d'être sous le coup de la loi, donc elles ont choisi maternité heureuse. Mais très vite, s'est agrégé autour de cette nouvelle association des gens qui voulaient aller plus loin. Et en fait, il y a eu des dissensions entre ceux qui reliaient très directement contraception et avortement, en disant oui, il faut abolir la loi de 1920, mais il faut aller jusqu'à abolir l'interdiction de l'avortement. Et elle est restée un peu à mi-chemin. D'accord. Alors, ce qui est étonnant aussi, et c'est plutôt une bonne surprise quand on voit ça avec le recul, c'est que le planning familial ait pu exister et exercer sa mission avant même que la loi de 67 ne passe. C'est intéressant, ça. Oui, mais parce que c'était une association. Oui. C'était une association, donc quand on allait au planning familial, il fallait adhérer à l'association. Et donc, en adhérant à l'association, liberté d'association en France. On pouvait donc faire venir des contraceptifs de Suisse ou de Grande-Bretagne, mais c'était pas public, c'était à l'intérieur, ça restait dans la vie privée. C'était la sphère privée. Le général de Gaulle aurait dit à ceux autour de lui qui lui conseillaient demander une loi sur la contraception, je ne vais pas livrer la France à la bagatelle. Il aurait dit ça. un gouvernant intelligent, puisqu'il voit quand même les aspirations de la société et il les valide. Hein, c'est une façon de gouverner un pays. Et donc la contraception est légalisée en 1967, en décembre 67. Voici, on va écouter ensemble la déclaration de Lucien Neuwirth, le rapport de la loi à l'Assemblée nationale, le 1er juillet 1967, donc 6 mois avant que la loi devienne loi. L'heure est désormais venue de passer de la maternité accidentelle et due souvent au seul hasard à une maternité consciente et pleinement responsable. Ce n'est pas avec le seul moyen d'une législation répressive, la preuve en est faite, que nous augmenterons le rythme des naissances, mais au contraire, en offrant à chacun la possibilité d'avoir des enfants quand il le désire, mais aussi la certitude de pouvoir les élever dignement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand ça prend force de loi, ça devient aussi une affaire d'hommes, et tant mieux. Bon, cela dit, la représentation politique à cette époque-là était masculine de façon écrasante. Écrasante. Donc, on retrouve des hommes. Mais c'est un élément important du débat, que ça devienne aussi une affaire d'hommes. Ça devient, moi je dirais, je vais dire la même chose que vous, mais dans l'autre sens. Oui. Ça devient une affaire politique, et comme le monde politique est masculin, ça devient une affaire d'hommes. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, oui, j'avais pris cette précaution-là, à préalable à ma question. Oui, oui, absolument. Mais il faut que ça devienne aussi une affaire d'hommes, que les femmes ne soient pas seules dans leurs conditions. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Néanmoins, alors, je fais juste un petit aparté. Là, on a parlé de la maternité heureuse, des débuts du planning familial. Le début de la maternité heureuse, c'était une association de femmes. Mais il y avait aussi des hommes qui ont assez vite adhéré. Mmh. Et puis surtout, il y avait au sein du monde médical, qui était donc majoritairement masculin. Lui aussi. Et majoritairement contre la contraception, ne parlons pas de l'avortement. Il y avait quand même un petit cercle de médecins, dont Pierre Simon, dont tout ce petit cercle, qui s'est beaucoup démené avec la maternité heureuse au sein de l'association, mais aussi, on l'a vu avec Neuwirth, qui était député au sein de l'Assemblée, pour essayer de faire passer la loi. Donc, c'était à la fois ces années 60, de 60 à 67, à la fois un mouvement d'opinion qui s'est ouvert à l'idée que la loi de 1920 était répressive et nocive, mais un mouvement de cette association, donc des militants, des pionniers, et puis aussi de ces médecins progressistes qui ont rejoint d'ailleurs le planning. Et du côté des chrétiens, je parle maintenant des protestants, est-ce qu'il y avait une attitude différente de celle des catholiques? Parce qu'on a cité un pasteur. Oui, il y avait le pasteur. Evelyne Sulraux, si je ne me trompe pas, était protestante, c'était pas une catholique. Et le milieu protestant était dans l'ensemble beaucoup plus ouvert que le milieu catholique. Et justement, la France est en retard, je crois, par rapport à certains pays européens sur cette thématique-là de ce que j'appellerais les lois d'émancipation. Et là pour le coup, l'émancipation de la femme, les pays de culture protestante, les pays du Nord, étaient déjà plus avancés. Ouais. Alors, donc il y a une logique là, finalement. Il y a une logique, et puis aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis et que dans les pays du Nord, la contraception n'était pas réprimée. Ah oui. Donc c'est logique. C'est logique, c'est absolument logique. Et c'est sur cette logique que nous allons nous séparer. Merci infiniment Daniel Volman pour votre témoignage et vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le couple Bach, une émission que vous pouvez réécouter en podcast et sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci à Juliette Delperroux qui était à la technique aujourd'hui. Que disiez-vous? Que vouliez-vous dire tout à l'heure, là, pendant que je parlais? C'était tout à fait intéressant. Je ne sais pas que c'est ça que vous vouliez dire. À tout de suite.